Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Bob Marley, le prince du reggae. N'importe qui s'intéresse à la musique populaire au sens très large, à un moment donné ou à un autre, tombe sur Bob Marley, c'est inévitable. Et je pense que c'est aussi inévitable d'aimer ça. Mm-hmm. Bob Marley, c'est peut-être pas le créateur du reggae, mais c'est quand même celui qui l'a vraiment popularisé partout sur la planète. Le mélomane Laurent Saunier à l'émission Les temps modernes en 1995, Laurent Saunier a bien raison dans cet extrait. Comment ne pas succomber au rythme reggae de la musique de Bob Marley? Bob Marley fait partie de ces artistes qu'on peut étroitement associer à tout un genre musical. Prince du reggae, roi des Rastas, Bob Marley va mourir prématurément à l'âge de 36 ans, mais son souvenir est aujourd'hui encore bien vivant dans sa Jamaïque natale. Waiting in Vain de Bob Marley. Pour nous parler de la musique et de la vie de Bob Marley, je reçois Richard Lafrance, l'animateur de Basse Fréquence, une émission consacrée à la musique reggae que Richard Lafrance anime à CBL depuis 25 ans. Richard Lafrance, bonjour. Bonjour, Jacques. Tour de force, chapeau d'abord. Cette chanson qu'on entend, Waiting in Vain, c'est votre chanson préférée de Bob Marley. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je pense que Bob a fait surtout des chansons à caractère social, à caractère qui touchait beaucoup le tiers-monde. Il a fait quelques chansons d'amour, dont celle-ci, qui est vraiment particulière, puisqu'elle a été écrite pour Cindy Breakspear, qui est devenue sa conjointe pour un temps, qui a été la mère d'un de ses fils, Damien Junior Gong Marley. Et je pense que tout le soin qu'il prenait pour écrire ses chansons à caractère plus politique, il l'a pris aussi pour écrire cette chanson-là. Il l'a rendue vraiment très définitive. Et puis, je pense que ça marque un pan de la vie de Bob Marley. Et c'est le romantique en vous, en fait, qui fait que c'est cette chanson-là, parmi toutes les chansons de Marley, que vous préférez. Commençons par le commencement. Déjà, c'est pas banal. Il est Jamaïcain, Bob Marley. Il est mulâtre. Il grandit dans le ghetto. Pour un mulâtre, c'est pas fréquent à l'époque. Non, parce qu'en Jamaïque, même si le slogan du pays est « Out of many, one people », donc un mélange d'ethnies, c'est rare qu'on voit des gens de couleur plus pâle dans le ghetto. Normalement, plus on est pâle, plus on est riche. Oui. Alors que Bob, sa mère était une Jamaïcaine, disons, d'une petite campagne à Nine Miles, dans Sainte-Anne, qui avait rencontré un capitaine, ou en tout cas quelqu'un qui prétendait être dans l'armée, mais en fait, c'était plutôt un contremaître pour une plantation. Le capitaine Norval Marley, qui lui avait des origines syriennes et juives. Ça fait donc de Bob quelqu'un qui a presque toutes les nationalités qu'on peut retrouver en Jamaïque. Donc ça, c'est le début. Ouais. C'est comme ça pour lui. Ça part dans ce ghetto. La musique arrive quand? Assez vite, il s'intéresse à la musique? Oui, assez rapidement. On lui perçoit là, une très grande attirance pour la musique dès qu'il a 4 ou 5 ans. Et c'est avec ses jeunes voisins, Bunny Wailer et Peter Tosh, qui commencent un groupe alors qu'il a environ 13-14 ans. Il pratique dans les cours dans Trenchtown, qui est le ghetto de Kingston où il habite. Et de là sortira la première version des Wailers, le trio. Parce que ça va, ils vont se suivre. Les Wailers, c'est la première période au fond musical de Bob Marley. Oui, exactement. C'est à l'époque ska, vers 62-63. Et ils ont été assez chanceux au début, parce qu'ils ont été recrutés par le Studio One, qui est un peu l'université musicale jamaïcaine. À peu près tous les groupes légendaires jamaïcains sont passés par Studio One, ont fait leur classe là. Donc, ils ont commencé avec des pros, et ils ont eu quand même quelques hits à l'époque ska, mais disons que pendant à peu près 10 ans, Bob Marley s'est cherché et il y a eu beaucoup de misère à installer un son pour le groupe. Puis il faut dire que la musique changeait beaucoup en Jamaïque à l'époque. Ouais. Donc, les Wailers ont passé par le ska, le rocksteady et le roots, finalement. Le grand coup, en fait, le début de la carrière internationale, ce sera au début des années 70. Il est à Londres. Et là, il y a une rencontre qui est déterminante. Bob Marley qui décide de frapper à la porte de Chris Blackwell. Et ça va tout changer pour lui. D'abord, c'est qui, ce fameux Chris? C'est un personnage important dans alors, le monde du reggae. Oui, c'est intéressant puisque Chris Blackwell est déjà un propriétaire d'un label rock très actif, qui est Island Records. Mais en même temps, Chris Blackwell est un blanc qui est né en Jamaïque. Donc, il y a quand même une sensibilité pour le reggae. Il a grandi là-dessus. Ouais. Alors, quand Bob vient le voir, il sait déjà très bien qui c'est. Il a entendu à peu près tout ce qu'il a fait. Et puis là, il décide de le prendre dans son écurie et de le faire connaître un peu comme un groupe rock. Ouais. Plutôt que, ben, alors que le reggae est à peu près inconnu partout dans le monde, sauf en Jamaïque et en Angleterre. Et en fait, ça, c'est un choix astucieux parce que en lui donnant ce côté plus rock, ce que veut Blackwell, c'est que le reggae, c'est que les Blancs écoutent cette musique-là, finalement. Exactement. Puisque pendant à peu près toute la carrière de Bob, jusqu'en 79-80, le public noir américain, c'était vraiment son objectif et puis il n'arrivait pas à les sensibiliser au reggae. C'est vraiment Blackwell qui a fait passer ce genre, ce courant musical-là par le rock. Lui qui, quand on regarde le catalogue d'Island Records à l'époque, il y avait des gens comme Cat Stevens, Traffic, des trucs qui marchaient très fort en Angleterre. Donc, il a profité de cette ouverture-là pour faire connaître Bob par la même, par la même clientèle. Puis c'est aussi, cette période-là, une période qu'il faut dire qu'il se passe quelque chose. Jusque-là, vous le disiez, Charles Lafrance, le reggae s'est pas mal confiné à la Jamaïque, mais cette rencontre de Marley avec Bob Blackwell, c'est le début des années 70, puis internationalement, il y a une explosion. Là. On commence à s'intéresser au reggae. Exactement. Disons qu'on comprend que l'Angleterre était le premier pays à réagir au reggae à part la Jamaïque, puisqu'il y avait déjà eu un mouvement massif des Jamaïcains vers l'Angleterre dans les années 40 et 50. Des gens qui s'expatriaient pour aller travailler là-bas dans les mines et tout ça. Donc, puisqu'il y avait une grosse communauté jamaïcaine, les débuts du ska ont débordé la Jamaïque et ont commencé à avoir des échos en Angleterre. Et c'est à partir du moment où Bob a signé sur Island Records, donc en 73. C'est intéressant d'ailleurs parce que Blackwell a compris que ça prenait plus qu'un album. Ça a pris deux albums la même année pour les installer. Donc, Catch a Fire et Burning, qui sont parus là, début et fin d'année en 73. Et c'est un peu comme ça qu'il les a fait connaître, mais sur le circuit rock. Et Burning, ça va être son premier grand disque, là, vraiment. Ah oui, avec des chansons comme I Shot the Sheriff et Burning and Looting qui installent vraiment son, disons, son thème très, très culturel et très révolutionnaire. On écoute un extrait justement de ce disque Burning, une pièce célèbre, Get Up, Stand Up, mais on l'écoute au Roxy Theater à Los Angeles en 1976 parce que ça va nous permettre de parler de Marley, mais Marley sur scène. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Then don't give up the fight. Oh no. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Then don't give up the fight. You see, we're sick and tired of the ifs and skits. Trying to go to heaven in the teeth of a snitch. God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. You stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Qu'est-ce que ça donne, Richard Lafrance, Bob Marley, sur scène? Déjà, on entend, c'est électrisant ce qu'on vient d'entendre. Vous l'avez vu sur scène? Oui, je l'ai vu deux fois. Et effectivement, ça devient quelque chose comme une expérience religieuse, plus qu'un spectacle musical. Du fait que, bon, ben, c'est sûr que les Jamaïcains l'ont connu en premier. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que Bob Marley est vraiment la première superstar mondiale. Et pour tout dire, la première superstar noire. Et son message est tellement universel que tout le monde a accroché assez rapidement sur ce qu'il avait à dire. Alors, du temps à ce qu'il commence à faire des tournées mondiales, internationales, le message était connu. Ouais. Et quand on le voyait sur scène, ça magnifiait tout ce qu'il disait, tout ce qu'il avait à passer. Et c'était effectivement presque une expérience religieuse. Ouais. On l'entend souvent dans les albums live. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons qui deviennent un peu comme des chansons à répondre, mm-hmm. comme on pourrait dire. Et c'est important. La scène, pour lui, c'est vraiment fondamental. Puis il y aura des grands spectacles qui vont venir, on en parlera dans quelques minutes, des grands spectacles politiques aussi, mais ça fait partie de l'histoire de Marley, la relation avec la scène. Oui, puis ça fait aussi partie de sa mission de propager son message ouais. le plus loin et le plus rapidement possible, puisqu'il savait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Alors on y vient à ce message. Je reprends les paroles qu'on vient d'entendre. « stand up for your rights, get up, stand up, and don't give up the fight ». La musique de Marley, c'est une musique qui donne envie de bouger dans son rythme, mais de oui. passer à l'action aussi. On écoute là-dessus. On reviendra avec vous, Charles Lafrance, sur le grand message de Marley. Alex Jean, au micro de Michel Desgagnés, qui nous parle de ce message-là en 1981. Ces chansons-là, en général, sont assez politisées. Et puis, ils parlent de... Comme par exemple dans Rat Race, le monde, comment il est, les mauvais. Et c'est une race des rats. Et alors, ça explique tout. Survival, il faut survivre. Et dans ce monde, il est cochon et puis tout ça. Et puis la solution, c'est one love. Il faut tous aimer un seul amour. Puis on va finir par s'aimer. Quel est le grand message de Bob Marley, Richard Lafrance? Okay. Mais donc, la chanson One Love a été reprise encore jusqu'à tout récemment, bon, pour une utilité plus commerciale, mais disons qu'en Jamaïque, c'est vraiment l'hymne le plus connu de Bob Marley. On entend la chanson au moins une fois par jour minimum. Oui. Et c'est l'espoir, cette chanson-là, entre autres. C'est l'espoir, effectivement, puisqu'on sait que Bob vient des plus pauvres des ghettos à Kingston et qui a réussi à devenir une star internationale. Je pense qu'il a vraiment tenu à ce que son message de rébellion, de contestation du départ, c'est un peu ça qui l'a propulsé. Et puis c'est le message qui tenait à passer. Et dans ce sens-là, partout où il donnait des spectacles, il essayait de donner le plus d'entrevues radio-télé possible l'après-midi. Pas pour vendre des biens nécessairement, mais pour faire passer le message ouais. le plus possible. Et puis, avec l'aide de Blackwell, il se rendait compte que son message n'était pas limité aux Noirs, mais aussi finalement à un marché international. Même si, au départ, il y a ce message direct qui s'adresse aux Noirs, qui veut la libération, au fond, ouais. des Noirs de partout dans le monde. Jusqu'à quel point ce message-là, il est... réfléchi. Jusqu'à quel point on fait face à quelque chose qui est soit de l'ordre de l'instinct ou d'une pensée politique plus articulée. Je vous dis ça parce que libération des Noirs, donc, le grand thème de la libération des Noirs. En même temps, Bob Marley qui va se retrouver à s'associer, à aller chanter avec au Zimbabwe aux côtés d'un dictateur comme Robert Mugabe. Ouais. Ça a l'air paradoxal. Ouais. Bon, disons qu'à l'époque, peut-être que Mugabe avait moins le profil qu'on c'était a connu. C'était d'abord, effectivement, libérateur. Mais c'est bon, ça. Ouais. Mais je pense que Bob, c'est ça, son concept du départ, c'était que tous les pays africains devraient être libres le plus rapidement possible. Ouais. Et quand c'est arrivé au Zimbabwe, il a voulu vraiment s'impliquer. Et il a été donné deux spectacles là-bas, un pour la classe politique et le lendemain, un gratuit pour le peuple et à ses frais. Il tenait tellement à le faire. Alors, pour revenir au début de la question, c'est que, oui, disons que d'instinct, il était contre toute injustice et tout ça, mais disons que près de lui, il y avait son avocate qui était beaucoup plus branchée sur l'actualité internationale, et c'est un peu elle qui le familiarisait avec tout ce qui se passait à travers le monde, particulièrement en Afrique, et ça lui donnait des idées un petit peu plus précises pour construire ses textes de chansons. Mm-hmm. À l'intérieur même de la Jamaïque, il va aussi essayer de promouvoir l'unité nationale. Il faut savoir que dans les années 70, là, c'est la guerre civile ou à peu près dans ce pays-là. Oui. Il va faire deux grands concerts en 76 et en 78 là, qui vont être célèbres. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. En fait, les deux fois, on l'a approché pour un petit peu détendre l'atmosphère en Jamaïque. Il y a deux groupes, deux familles politiques qui vraiment s'opposent. C'est ça. C'est deux partis, le PNP et le JLP. Et dans les années 70, ça a été particulièrement brutal. C'est une longue histoire, mais disons que c'est une question de faction guerrière. Et puis dans les ghettos de Kingston, dépendant du côté de la rue où tu habites, tu dois supporter le PNP ou le JLP. Donc c'était carrément une guerre civile. Alors à un moment donné, le PNP l'a approché, Michael Manley, pour lui demander s'il ne donnerait pas un spectacle pour justement détendre l'atmosphère et tout ça. Il a accepté et le lendemain, Michael Manley du PNP a déclenché des élections. Alors, il s'est fait un petit peu piéger là-dessus. Ouais. Et évidemment, l'opinion publique s'est mis à dire que Marley était nécessairement du côté du PNP, ce qui lui a attiré pas mal d'ennuis. Et la deuxième fois, pour le spectacle qui s'appelait Smile Jamaica, c'est encore une fois là, pour un peu pour le moral des troupes, plus qu'autre chose. Et Bob, dans ce temps-là, se rendait toujours disponible gratuitement, même que lui finançait l'équipement et tout ça pour un petit peu pour aider son peuple, pour mettre un petit peu d'espoir en Jamaïque. On a surnommé Bob Marley la première star du tiers-monde, le prince du reggae, le prophète, le messager, le roi des Rastas. Les Rastas, ce sont les adeptes d'un mouvement politico-religieux né dans les shanty towns, c'est-à-dire les bidonvilles de Kingston en Jamaïque, et dont le rayonnement s'est ensuite étendu dans les Caraïbes. Les Rastas vénèrent Rastafari, le dieu noir. Rastafari, c'est le nom que portait l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, avant son couronnement en 1930. Quelqu'un a dit « Rasta, c'est une religion, le reggae, sa messe et Bob Marley, son pape ». Le reggae, c'est un mélange de rhythm and blues, de calypso. C'est sur ce rythme que Bob Marley diffusait son message de liberté. On trouve dans ses chansons le thème de la lutte des classes et la vénération pour le dieu noir. On comprend alors l'importance du personnage pour les jeunes noirs des Caraïbes, pour qui Bob Marley était devenu une sorte de leader de la libération. On revient dans cet extrait où on entendait Raymond Archambault en 1981 sur l'importance que Marley va avoir auprès de la jeunesse jamaïcaine, de la jeunesse noire. On touche aussi, Richard Lafrance, on ne l'a pas encore fait dans cette émission, à la dimension Rasta, au mouvement Rastafari. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour Marley? Comment il va s'engager dans ce mouvement-là? Et qu'est-ce que Marley va vouloir dire pour le mouvement aussi? Ouais. Ben, je pense que depuis tantôt, comme on le dit, je pense que Marley a soif de justice. Oui. Social. Et pour le mouvement Rasta, c'est aussi une des bases. C'est fondamental. Donc, je pense que c'est un peu... Qu'est-ce que c'est, en un mot, ce mouvement-là? En un mot, c'est dans les années 40, Marcus Garvey, qui est un activiste noir, avait fait un genre de prophétie qui disait « Regardez vers l'Afrique parce que notre seigneur, notre délivrance viendra de là. » Et à peine un an et demi plus tard, l'empereur Haïlé Sélassié était couronné empereur d'Éthiopie. Alors, c'était comme une prophétie. Et là, il y a eu des genres de preachers en Jamaïque, ouais, qui sont mis à prêcher justement la divinité d'Haïlé Sélassié. Et là, il faut comprendre que dans le mouvement Rasta, il y a plusieurs sectes. Mais chaque secte se respecte. Et la croyance de base des Rastas, puisque les autres religions, à leurs yeux, se sont tous fait avoir d'une manière ou d'une autre. Ils ont décidé que quand on est Rasta, on n'a pas d'église, vraiment. Ouais. C'est un truc personnel qu'on peut partager avec les autres, mais il n'y a pas de leader et il n'y a pas vraiment de loi précise. Donc, Bob, c'était vraiment... au-delà de vouloir promouvoir la justice sociale, il y a aussi le côté Rasta qui mettait toujours beaucoup de l'avant dans ses spectacles, dans ses entrevues, pour que les gens comprennent un peu plus justement d'où ça venait et ce que ça comportait. C'est une manière d'être, une manière de vivre aussi. Exactement. En anglais et en patois, on appelle ça « levity ». C'est la manière dont tu vis, ce que tu manges, ce que tu consommes, la manière dont tu te comportes. Ouais. Ça fait partie du consommation, du mode de vie Rasta. De Marie, entre autres. Aussi, oui. Qui est associé à ça. Assez... C'est un sacrement religieux pour les Rastas, oui. Oui. Qu'est-ce qui reste de cet héritage de Bob Marley dans la Jamaïque d'aujourd'hui? Je vous propose un dernier extrait d'un reportage de Jean-Michel Leprince en 2009. Le plus beau cadeau de la Jamaïque au monde est probablement la musique de Bob Marley. Son musée est le site le plus visité de Kingston par des gens de tous les pays. Un vrai temple. Non, Bob Marley n'est pas mort, c'est ce que disent les chanteurs jamaïcains d'aujourd'hui. Son héritage est immortel. I don't think Bob Marley's dead, if I should say. He took the music to the world, you know, where I saw. Yeah, he left a good amount of legacy here. Lokidi et Trilaou du quatuor LUST, Lost, sont des héritiers de Bob Marley. Ils sont issus du ghetto comme lui et ils ont retenu son message. It's the message that we put in the music. You know, reggae music is a struggling music. Le reggae est une musique de lutte. Elle sert à s'en sortir. My favorite Bob Marley is No Woman No Cry. No woman no cry. No woman no cry. Marley n'est pas mort. Non, Marley n'est pas mort, dit Jean-Michel Leprince dans ce reportage pour montrer qu'il est encore bien vivant en Jamaïque. Il meurt pourtant en 81 à 36 ans, Bob Marley, Richard Lafrance. Qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui dans ce pays? Ben, je pense que c'est intéressant puisque tantôt on disait qu'il s'est fait connaître par le circuit rock des années 60-70. Si on compare tous les superstars décédés comme les Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou peu importe, je pense qu'on en parle encore 30-40 ans plus tard, mais jamais de manière aussi actuelle que Bob Marley, parce que, premièrement, je pense que les thèmes de ses chansons sont encore malheureusement aussi présents. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'injustices. C'est encore très, très, très vivant, ce qu'il racontait. Et en Jamaïque, particulièrement, là, c'est encore... Il est présent Ah oui, bien, quand on se promène en Jamaïque, il y a des gros panneaux de la figure de Marley partout. On l'entend à la radio tous les jours. Évidemment, il y a beaucoup de marketing autour de son studio qui est devenu un musée, Tuff Gong. C'est une grosse machine maintenant. Donc, il faut dire aussi que ses enfants perpétuent l'image du père. Il en a eu quelques-uns. il en a eu, je pense qu'on en a 10 ou 11 officiels, dont 5 avec Rita Marley. Et là-dessus, il y a environ... les deux filles ont arrêté de faire de la musique. Cedella et Sharon faisaient partie des Melody Makers quand ils étaient adolescents. Ziggy et Steven, les deux plus vieux, ont continué. Ils font encore de la musique. Il y a Damien, Junior Gong Marley, qui est vraiment devenu le plus populaire des rejetons de Marley. Et il y a Kimani aussi, qui est basé à Miami et qui fait aussi de la musique. Et il faut dire qu'ils ont tous le son reconnaissable. Ils ont tous la voix de leur père ou à peu près. Jean Lafrance, merci pour ce tour de piste absolument fascinant. Je rappelle, depuis 25 ans, je suis impressionné. Vous animez cette émission à CBL, Basse Fréquence, émission sur le reggae. Merci infiniment de votre passage à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Children groove. Let me